Affaire de la voiture de police brûlée quai de Valmy. Article paru dans lundi matin 114 le 24 septembre 2017. Alain Damasio, Nathalie Quintane, Frédéric Lordon et Serge Quadrupani suivront les audiences pour lundi matin. Souvenez-vous, mercredi 18 mai 2016, en plein mouvement contre la loi travail, le syndicat de police Alliance ravissait la place de la République au mouvement Nuit debout. Il s'agissait alors, pour le syndicat, de mettre en scène une réconciliation avec la population en s'affichant avec quelques bonnes âmes d'extrême droite. Alors qu'un contre-rassemblement est gazé par les forces de l'ordre puis repoussé des abords de la place, une manifestation sauvage s'improvise. Sur son chemin, une voiture de police bloquée dans la circulation est prise à partie par la foule et prend feu après qu'un fumigène a atterri sur sa plage arrière. C'est pour ces faits que 9 personnes comparaîtront devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris du 19 au 22 septembre. Pour comprendre le contexte de cet incendie et des arrestations qui ont succédé, nous vous invitons à lire cet article que nous avions publié à l'époque, ouvrez les guillemets, « Voiture de police incendiée, le bluff de Cazeneuve ». De nombreuses figures intellectuelles et organisations politiques appellent à un rassemblement pour soutenir les prévenus et demander leur relax. Parallèlement, le syndicat de police Alliance, qui se porte partie civile, a annoncé sa présence à l'audience. Les enjeux politiques, judiciaires et policiers de ce procès seront nombreux et exacerbés. Quelle est la légitimité de la colère face à la violence policière et institutionnelle ? Le témoignage anonyme d'un policier du renseignement est-il suffisant pour condamner des jeunes militants à des mois d'incarcération ? Une cour peut-elle juger un mouvement en y prélevant une poignée d'individus ? La justice n'est-elle que la chambre d'enregistrement rituelle et officielle des pratiques de contrôle et de correction de l'institution policière ? Gageons qu'il ne manquera pas de chroniqueurs judiciaires pour suivre les débats et ne pas répondre à ces questions. C'est pour cette raison que lundi matin a choisi de couvrir ce procès d'une manière inédite. 4 écrivains reconnus, chacun dans des domaines très distincts de la littérature, se relayeront dans la salle d'audience afin de raconter ce qu'ils y ont vu et entendu. Frédéric Lordon, Nathalie Quintane, Alain Damasio et Serge Quadrupani nous feront l'honneur de leur contre-rendu, qui seront publiés quotidiennement dans nos pages. Alain Damasio est auteur de science-fiction, il a notamment publié « La zone du dehors » et « La horde du contrevent » chez Gallimard. Nathalie Quintane est poète et écrivain. Elle a récemment publié « Que faire des classes moyennes » chez Paul. Frédéric Lordon est économiste et directeur des recherches au CNRS. Il a récemment publié « Imperium, structure et affects des corps politiques » chez La Fabrique et « Les affects de la politique » aux éditions du Seuil. Serge Quadrupani est auteur et traducteur de romans policiers. Il vient de publier « Loup solitaire » chez Métayer.